France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le Far West, le Wild West, est un monde violent, chaotique, dans lequel il faut bien mettre un peu d'ordre de temps en temps. C'est alors qu'intervient le shérif. Les hommes à étoiles s'appelaient Wild Bill Hickok, Bill le Sauvage, Wyatt Earp ou Pat Garrett. Leurs histoires ont donné naissance à quelques films inoubliables. Mais là encore, le quatrième épisode que les Nuits Magnétiques consacraient en 1980 à la fabuleuse épopée du Far West nous rappelle qu'il y a parfois un monde entre la réalité et la légende. Sur la frontière, au milieu des outlaws, des cow-boys, des joueurs, des buveurs, des éleveurs, des chercheurs d'or et autres desperados, faire régner l'ordre ne consistait pas forcément à appliquer la loi et encore moins à faire triompher la justice. Il s'agissait bien souvent d'opposer à la violence une autre violence ou même de pactiser avec elle. Conservons quand même en mémoire l'inaltérable image du shérif Chance, incarné par John Wayne dans Rio Bravo, qui, avec le concours de Dude, Stumpy et Colorado, aura réussi à tenir tête jusqu'au bout aux affreux frères Burdett. Les shérifs, les hors-la-loi et les durs à cuire, quatrième épisode de la fabuleuse épopée du Far West dans les Nuits Magnétiques en 1980. Nuit magnétique, good evening. La fabuleuse épopée du Far West. Successives du Far West, on trouve des mineurs, des poseurs de rails, des éleveurs, des cow-boys et des hors-la-loi. The villain, le hors-la-loi, et les shérifs et marshals qui le poursuivent inlassablement appartiennent de plein droit à cet univers où les âmes généreuses et droites côtoyaient les plus viles. Bizarrement, encore maintenant, l'épopée de l'Ouest est souvent vue au travers des actes de cette minorité de tueurs de sang-froid, des voleurs de grands chemins, élevés au rang de héros par les chroniqueurs, les journalistes à la recherche d'un scoop, les romanciers et ceux qui écrivent pour le cinéma, les bandes dessinées et la télévision. Ces personnes ont donné le petit coup de pouce capable et coupable de grandir ces personnages. Nous vous proposons d'emboîter le pas à ces courageux pourfendeurs de légende, sans toutefois nier la puissance et la vitalité de ces dernières, ni leur nécessité profonde au sein d'un folklore qui nous incite à compter le nombre d'encoches striant la crosse des revolvers et nous encourage à tirer d'abord et vérifier seulement ensuite si l'on ne s'est pas trompé de cible. Ce qui est central, finalement, dans la conquête de l'Ouest, dans la notion de frontière, c'est quand même le fait qu'il y avait là des habitants qu'il a fallu chasser, détruire, exterminer. Lise Marion Strauss. Pour cette tâche, il a fallu en effet mettre en œuvre beaucoup de moyens, mais le résultat en a été la création d'une tradition aux États-Unis et qui a été une tradition de violence. Et c'est cette violence qui est utilisée dans les bandes dessinées, dans le cinéma, dans le dime novel, mais exaltée comme étant une valeur importante parce que représentant la virilité, l'héroïsme, le dynamisme du pionnier. Bien, derrière tous ces mots, dynamisme, héroïsme, c'est la pure violence qu'il faut voir. Cette pure violence, elle se manifeste dans l'extermination des Indiens, mais aussi dans le combat contre les fameux hors-la-loi. Eh bien, ces hors-la-loi, ils n'étaient que finalement les représentants de la violence ambiante. C'est parce que aussi l'Ouest était l'avance de cette fameuse civilisation, c'est-à-dire la conquête d'une région qui était habitée par d'autres sociétés, donc d'autres institutions, la conquête de cette région par les institutions américaines, c'est-à-dire par la loi américaine. Alors on voit la violence dans ces deux sens. On voit la violence destructrice des bisons, des indiens, des ressources naturelles. On voit la violence de la part de ceux que la loi met en dehors de ses frontières, mais on voit la violence aussi exercée par la loi contre soit les voleurs de chevaux, bien sûr, mais aussi contre les Indiens, et aussi elle appuie, par exemple, les compagnies de chemin de fer contre les fermiers ou les fermiers contre les éleveurs. Alors, finalement, si l'on voulait donner un titre à cette conquête de l'Ouest, eh bien, moi, je dirais, c'est la violence. L'Ouest fut une terre de violence, enfin, s'il faut en croire le western, s'il faut en croire les bandes dessinées. Jean-Louis Rieu-Perru. S'il faut en croire toute une tradition, toute une mythologie. Bon, cette violence était inscrite, c'est vrai, dans ce décor. On peut la classer selon différents thèmes. Par exemple, il y a la violence envers les Indiens, la violence qui s'est manifestée jusqu'à la fin du siècle dernier. Ou par exemple, au Dakota, on payait un scalp indien jusqu'à 200 $. Bon, violence du côté des Blancs. Les guerres qu'on peut appeler les guerres féodales. Les guerres, par exemple, dans les zones d'élevage. On se dispute des terrains. Il y a de véritables petites armées. Un ranch contre l'autre. Dans le Texas oriental, en Arizona. Bon, les éleveurs engagent des chasseurs d'hommes. Il y a la violence entre éleveurs de bétail et les bergers qui arrivent avec les moutons. Il y a la violence qui se développe autour de la question du fil de fer barbelé, les coupeurs de clôture. Il y a la violence qui s'installe dans les villes à peine nées. Exemple à San Francisco. Les vigilants de San Francisco, qui en principe sont là pour amener l'ordre, se révèlent être des gangsters et des tueurs à gages parmi les plus remarquables. Il y a la violence contre laquelle on va lutter et on va engager pour cela certains hommes, dont la spécialité va être de porter des revolvers et de se faire obéir. Au niveau d'une commune, on appellera ces hommes des marshals. Au niveau d'un comté, on les appellera des shérifs. Qui sont ces gens, marshal et shérif? Comment devient-on l'un ou l'autre? Aucune formation particulière. Être adroit, courageux, volontaire, ne pas craindre d'exposer sa vie. Être très bon tireur, tirer très vite. Bon, ça c'est l'image traditionnelle, celle que ça transmise le western. L'homme qui est capable de tirer sur une pièce de 10 cents qu'on lance en l'air, etc. Il faut tirer plus vite que l'autre. Bon, cela a dû correspondre à une réalité, à une vérité. Mais de toute façon, le cadre dans lequel cette violence s'exerçait était moins reluisant et moins coloré que dans les westerns en technicolor ou autres procédés. Bon, cela se traduisait par des meurtres de sang-froid, de part et d'autre. Parce que le marshal ni le shérif ne sont des gens tendres. Il faut opposer à des bandits des gens qui le soient autant qu'eux. Mais la différence, c'est que l'un porte une étoile d'étain agrafée sur son petit gilet et l'autre n'en a pas. Mais on pourrait aisément changer l'étoile, la faire passer de l'autre côté. Bon, alors ces shérifs, ces marshals sont devenus les héros que nous admirons. Bon, en fait, non. Rétablissons les choses. Tuer quelqu'un à 50 mètres avec un Colt, c'était difficile. Il faut se rapprocher, il faut être assez près. Et on tire. Le plus vite qui dégaine tue. Oui, ça a dû être vrai. Bon. Mais la violence n'a pas été tellement du côté des shérifs et des marshals. Mais c'était la violence interne, les bagarres, après avoir bu au saloon, autour d'un jeu de cartes. Les rivalités, comme ça, pour des intérêts économiques. Avance. Tu t'es assez fichu de nous. Laisse ça, toi. Mort ou vif, c'est écrit. Empêchez le Ben et sa défense. Heureusement, sans quoi il nous tuerait. C'est bon, puisque vous le voulez, il va avoir sa chance. Tiens. On le délivre. Ne laissez pas faire. Délivre-le. À nous deux. Ce n'est pas un combat loyal. Mes doigts sont morts. Tu y es maintenant, alors quand tu voudras. Tire. Du reste, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans les westerns, c'est que ce sont des hommes. Et lexique russe. Des vrais. C'est-à-dire qu'il y a, une histoire, il y a n'importe quoi, on s'explique toujours face à face. Regardez les duels qu'il y avait. C'était pas extraordinaire, les duels? Deux hommes face à face, armés de la même façon, et le plus rapide gagne. Hein. Et il y en a eu, des comme ça, ça existait, ça. Et des hommes qui se sont trouvés face à face, prêts à tirer. Et c'était bien supérieur au duel qu'on faisait à la française, si vous voulez, où les hommes partaient dos à dos et tentent pas se retourner et tirer. Même bien souvent, un avait le droit de tirer le premier et l'autre le deuxième. Là, c'était les deux hommes se regardent dans les yeux. Et le premier qui bouge, ça y est. Ils portaient pas plainte, ils allaient pas voir la police. Ils s'expliquaient face à face. C'est un petit peu dommage que ce soit plus comme ça aujourd'hui. Remarquez, c'est aussi bien parce qu'il y aurait des tueries. Mais enfin, disons que l'homme a perdu. Ce qu'on retrouve chez le cow-boy, c'est vraiment l'homme, quoi. Oui, les carabines parlent, les Winchester parlent, oui, les balles sifflent, etc. D'accord. Mais descendons un peu ces personnages de leur piédestal. Prenons un à un les personnages dont les noms nous sont restés. Un personnage, par exemple, Wild Bill Hickok. Hickok le sauvage. Bill le sauvage. Quel formidable surnom. Bien fait pour inspirer le respect. Qui était-il en réalité ? Pas grand-chose d'intéressant durant la guerre de sécession, un petit peu espion, un petit peu éclaireur, etc. et qui, comme tant d'autres, se dit « qu'est-ce que je vais faire ? La guerre est finie maintenant, il me faut un travail. » Bon, il arrive dans l'Ouest, dans les villes de bétail, à partir de 1866-67, ces villes commencent à naître, Abilene commence à naître, le chemin de fer y arrive. Alors ici, c'est un climat particulier qui se développe et qui convient fort bien aux qualités d'un homme tel que Hickok. Je parle de Hickok, mais je pourrais parler de quantité d'autres personnages. Si bien que lorsque on essaie de trouver quelqu'un qui, parmi les porteurs de l'étoile, de la loi, a été quelqu'un d'honnête, quelqu'un de pur, quelqu'un de courageux et qui a réellement fait son travail en toute conscience, il est difficile d'en trouver. Pourquoi ? Parce que les chroniques mentent, parce que les chroniques exagèrent. Parce que les chroniques, c'est écrit par le journaliste de l'époque, se sont intéressés davantage à ces prétendus marshals ou shérifs qui étaient sur la barrière, vous savez, qui étaient sur la deadline. Hein, ils chevauchaient la deadline, c'est la traduction de l'expression américaine. Tantôt d'un côté de la loi, tantôt de l'autre. Pour le moment, un Hickok, par exemple, était du côté de la loi. Here is a western we saw last night, full of action and dynamite. We thrilled and nearly stood on our head from the moment the hero walked in and said, I'm Wild Bill Hickok, and I'm brave and strong. I've been riding the range for 6 months long. I've been riding the range around enough cattle. I got so many blisters, I'm tall in the saddle. I am the villain, I'm mean as can be. I hate the hero cause he sings off key. I'm an ornery cots and I'm so full of lead. When a rattlesnake bites me, he drops down dead. Why, chewing on bullets is my daily routine. See what I mean? Me injured, nice and tan. Me also businessman. Me take them scalps to make them penny. Sell them to man named Jack Benny. Our story takes place in a lawless town. They've called on Hickok to tame things down. He's just arrived and who should he meet but a no good outlaw, Poison Pete. Pete, I hear you've been a-rustling again. And I blow up the bank and I shot 20 men. I held up the stagecoach and robbed the mail car. One of these days you're gonna go too far. So you think that you're a pretty good fighter. You should have seen what I did to Pink Rider. You mean Red Rider. Now he changed his name. He got faded last week in a big crap game. I think you're a coward through and through. I'm gonna tell the whole town what I think of you. Hickok arrive à Abilene, au Kansas. C'est une ville de bétail. Cow Town, comme on dit à l'époque. Et c'est une ville très animée, bien sûr. À propos de l'animation de ces villes de bétail, il faut rappeler ceci. Ces troupeaux arrivent du Texas. Pendant 2 mois de piste, les garçons de 18, 19, 20 ans, 25 ans, qui ont souffert sur la selle, n'ont pas bu un verre et n'ont pas rencontré une femme. Ils ont été payés, ils ont donc, pendant 2 mois, ça fait $30 dans les poches, 3 mois, ça fait $45. Et pendant une saison, autour d'une ville de bétail, on peut estimer environ 200-300 cow-boys qui campent sur les pâturages à 5-6 kilomètres de la ville. 200 cow-boys. 200 cow-boys avec chacun dans les poches, combien a-t-on dit ? $50 en gros. Hein ? Vous voyez donc, il y a une sacrée somme. Bon, ils sont là pour combien de temps ? 15 jours ? 8 jours ? Le temps pour leur boss de vendre le troupeau. Ils ont de l'argent, plein les poches. Ils ont soif, ils ont besoin de plaisir. Alors évidemment, il y a des soirées où ça chauffe. Beaucoup dans les saloons à Dodge City ou à Abilene. À Dodge City, les saloons sont de plus en plus importants au fur et à mesure que la ville prend du poids, de l'aisance. À Abilene, souvent les saloons, vous savez, c'est quelque chose de très minable. Bon, alors il faut... Pour s'opposer à ces gens, il faut des hommes aussi énergiques qu'eux, aussi déterminés. Pour Abilene, Wild Bill Hickok va faire l'affaire. Mais hélas, on ne peut pas le créditer d'autant d'actes de bravoure que ces turiféraires veulent bien l'écrire. Et tout petit détail qui montre bien le caractère du personnage. Il craignait surtout pour sa vie. On dirait que c'est bien naturel, mais quand on est marshal et qu'on a prêté serment et qu'on est là pour imposer sa loi à d'autres qui sont prêts à la violer, c'est quand même assez surprenant. Donc, pas de notion de sacrifice, pas la moindre. Et lorsqu'il se couche, Hickok passe un certain temps à étendre autour de sa couche des journaux pour ne pas être surpris par l'arrivée inopinée d'un quelconque adversaire. Et sachons aussi que Hickok se rendit célèbre un soir en entendant des pas derrière lui au coin d'une rue et il tira sans voir exactement sur qui il tirait, mais il tira. Or, il se trouvait que c'était son adjoint. C'était quand même un peu pénible et la municipalité de Abilene l'a remercié. Elle a embauché d'autres personnages jusqu'au jour où est arrivé un homme assez tranquille. Beau gars, belle stature, 1m80, un nommé Smith, Tom Smith. Eh bien, les chroniques, encore aujourd'hui, rendent hommage à Tom Smith, qui a réellement été l'homme de la situation, un parfait marshal, et il est très difficile, vous savez, si l'on consulte la liste de ces prétendues célébrités qui ont porté l'étoile dans les villes plus ou moins grandes de l'Ouest, très difficile de trouver quelqu'un qui ait fait son métier honnêtement et qui n'ait pas été préalablement un tueur. Alors, évidemment, il y a toute la bande des Masterson et il y a le fameux White Earp. Eh bien, Gary Cooper, tout le monde ici vous demande quelque chose. On vous demande d'aller à une fête, on vous demande de participer à un cocktail, on vous demande quantité de choses. Eh bien, moi, je vais vous donner quelque chose. J'ai une surprise pour vous. Cette surprise, c'est une voix. I have a surprise for you. Your voice. My voice? Well, my singing voice wouldn't be... would be a bad surprise for anybody. My own, that is. Il dit que sa voix à lui chanter serait peut-être une mauvaise surprise pour tout le monde. Alors j'ai sa voix chantée à lui dans le film Le train sifflera trois fois. Sa voix chantée qui est Claude Dupuis. Alors votre voix, Gary Cooper, piano. Oh, that's different. Il pense que cette voix c'est différent. Si toi aussi tu m'abandonnes, ô mon unique amour, toi, nul ne pourra plus jamais rien, non, rien pour moi. Si tu me quittes, plus personne ne comprendra mon désarroi. Et je garderai ma souffrance dans un silence sans espérance, puisque ton cœur ne sera plus là. C'est la cruelle incertitude qui vient hanter ma solitude. Que deviendrais-je dans la vie si tu me fuis? J'ai tant besoin de ta présence, tu restes ma dernière chance. Si tu t'en vas, j'aurai trop peur, peur de ne plus vivre une heure. Si toi aussi tu m'abandonnes, il ne me restera plus rien. Plus rien au monde et plus personne qui me comprenne, qui me soutienne ou qui me donne simplement la main. Attends, attends, attends demain. Oh, il a suscité tout le vocabulaire français de Gary Cooper à la fois. C'était très joli d'ailleurs de vous voir l'écouter, de vous voir écouter votre voix et de vous voir penser à quantité de choses. Qui était Monsieur White Earp et qui étaient les Earp? À Tombstone, si vous allez aujourd'hui, vous pourrez au mois d'octobre, très précisément, je crois que c'est vers le 5 ou le 6 octobre, assister à une reconstitution de la fameuse bataille au Cape Coral. Alors, avec tout le cérémonial nécessaire, avec toute la gravité qui convient à la situation, les personnages qui incarnent la famille Earp et ceux qui incarnent les Clancton McLovery, leurs adversaires, descendent selon l'itinéraire précis qui a été celui des personnages dans la réalité ancienne. Bon, eh bien autrefois, qu'est-ce que c'était que cette histoire de Hockey Coral? Ni plus ni moins qu'un règlement de compte entre bandes adverses. White Earp n'a jamais été Marshall, il a été simplement Marshall adjoint à Dodge City. En matière de vérité dans ce qu'il a raconté à son biographe quelque temps avant sa mort, c'était le mensonge systématique. Et pourtant, ce personnage passe aux yeux d'innombrables lecteurs comme le plus grand shérif. Je sais, autrefois, au début, quand je commençais à écrire sur l'Ouest, je me suis trompé. Mais par la suite, les renseignements qui me sont parvenus étaient un peu différents que j'ai trouvés. C'est vrai, autrefois, j'ai écrit que c'était réellement l'homme idéal, le marshal gigantesque, etc. Parce que je n'avais lu que la biographie d'un nommé Stuart Lake. Et Monsieur Stuart Lake a rencontré Monsieur Whitehurst à la fin de sa vie, alors qu'il se demandait comment il allait vivre le lendemain. Monsieur Earp habitait à San Francisco. Et Monsieur Earp, depuis des années, cherchait cette occasion de se faire connaître. Et finalement, il l'a rencontré. Et Lake a pris comme parole d'évangile tout ce que l'autre lui a raconté. Et c'est à partir de ce bouquin de Stuart Lake que le scénario de La Poursuite Infernale, ce très beau western de John Ford, a été réalisé. Ce qui ne met pas en cause la qualité du travail de Ford. Ford a fait un western à partir de là, un des plus beaux westerns qui existent. Mais si l'on cherche qui fut réellement ce Earp, que l'on célèbre d'un film à l'autre jusqu'à un règlement de compte à Hockey Corral, on s'aperçoit qu'il ne valait pas très cher. Eh bien, je crois qu'on peut passer en vue nombre de ces gens qui représentaient la loi en principe. Pourtant, il y a eu, vers les années 1910, un nommé Bill Tilghman, qui a été réellement un des derniers grands shérifs de l'Ouest et qui a fait très honnêtement son travail. Par ailleurs, bien sûr, dans cette liste, on voit apparaître les noms de... Tenez, le nom de Al Jennings, le plus vieux roublard, le plus parfait roublard qui ait jamais existé et qui, lui, a copié son attitude sur les premiers westerns qu'il a vus. Vous savez, il a vécu assez vieux. Et Monsieur Garrett. Ben, Monsieur Garrett a été évidemment célèbre du jour où il a abattu son vieux copain, le Kid. Mais Monsieur Garrett n'était pas un personnage exemplaire non plus. There's guns across the river about to pound you. There's a lawman on your trail like to surround you. Bounty hunters are dancing all around you. Billy, they don't like you to be so free. Camping out all night on the veranda. Walking the streets down by the hacienda. Up to Boot Hill, they'd like to send you. Billy, don't you turn your back on me. There's mirrors inside the minds of crazy faces. Bullet holes and rifles in their cases. There's always one more notch and four more aces. Billy and you're playing all alone. Earp et ses frères arrivent à Tombstone, à l'époque où on vient justement de découvrir de l'or et de l'argent. Excellent terrain, parce qu'ils n'ont rien fait de sérieux quand ils étaient à Dodge. Il a même fallu qu'ils s'en aillent. Donc ils espèrent qu'ils vont se faire une vie. Ça a été très long à démarrer. En fait, c'est Morgan Earp qui a été nommé Marshall. Et White joueur professionnel en réalité. Vous savez que White, c'était un homme qui tous les soirs, qui ne faisait rien de ses dix doigts, sauf de manier les cartes. Bon, et parmi la bande de Earp, un personnage curieux, bizarre, singulier, un ex-dentiste nommé Holiday, Doc Holiday. Tuberculeux, venu dans le sud-ouest pour soigner ses poumons, et qui se met à boire, qui s'intéresse beaucoup plus aux tables de jeu et aux filles de saloon. Earp, Holiday vont lier leur destin dans une sombre histoire qui aboutira à cette fusillade de Hockey Corral. Le juge Roy Bean Un autre personnage que le western a très intelligemment utilisé d'ailleurs, très intelligemment parce que d'abord il faut rendre hommage à Walter Brennan qu'il interprétait dans ce très beau film de William Wyler intitulé Le Cavalier du désert, un des plus grands rôles de westerner de Gary Cooper. Et puis récemment aussi, Paul Newman a incarné le juge Robin dans Juge et hors-la-loi. Un personnage singulier, tristement singulier, qui appliquait la loi à l'ouest de Pecos, c'est-à-dire qu'il s'estimait le seul représentant de la loi, bien que cabaretier, ex-bandit, ayant failli mourir sur la potence, et qui est resté célèbre par la truculence de ses sentences, mais encore une fois, se méfier de ce genre de témoignages qui relève davantage du folklore que de la vérité. Allez, Joe. Monsieur le juge t'attend. Bon, alors du côté des juges, oui, nous parlions de Roy Bean, mais il faut citer le nom d'un vrai juge, celui-là, fortement diplômé, qui s'appelait Isaac Charles Parker. Il est président de la Cour fédérale de Fort Smith, dans l'Arkansas. Il a 36 ans, en 1875, lorsqu'il est nommé à ce poste. À cette époque-là, c'est le président Ulysses Grant qui est à la Maison-Blanche. Parker restera 21 ans à Fort Smith. Eh bien, il a un record d'échafaud, si on peut dire. Pas mal du tout. Il a envoyé 88 hommes à l'échafaud sur 13 000 accusés. La proportion peut sembler minime, mais 88 hommes à son actif, surtout qu'il était très expéditif. Outside of Chicago is the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy, morning trouble. You see, you stand about 6'4". All the downtown ladies call him treetop lover. All the men just call him sir. And it's bad, bad Leroy Brown. Baddest man in the whole damn town. Better than old King Kong. Meaner than a junkyard dog. Now Leroy, he a gambler. And he like his fancy clothes. And he like to wear his diamond rings on everybody's nose. He got a custom Continental. He got a Eldorado too. Cette époque était une époque de violence. Violence à tous les degrés, violence à tous les niveaux, dans toutes sortes de milieux, aussi bien du côté officiel que du côté individuel. Parmi les représentants de la loi, il faut citer évidemment Pinkerton. Alan Pinkerton, fondateur de l'agence qui porta son nom et qui inspira, avant 1914, je crois, une nombreuse série de bandes dessinées. Alan Pinkerton, né en 1819, nationalité américaine, signe particulier le front bas et barbe, dangereux, très dangereux pour le malfaiteur. En effet, Pinkerton fut d'abord un membre du service secret durant la guerre de sécession entre 1861-1865. Il attira ainsi l'attention du président Lincoln pour la bonne raison qu'il découvrit l'existence d'un complot qui était destiné à assassiner Lincoln. Et au lendemain de la guerre, son agence a pris une importance considérable, si bien que le réseau, fondé par Pinkerton, vers 1880, recouvrait la totalité du territoire américain. La devise de l'agence Pinkerton était la suivante, « Nous ne dormons jamais ». Et Pinkerton lui-même déclarait, « J'ignore le sens du mot échec et ni le ciel ni l'enfer ne peuvent m'influencer lorsque j'ai le droit pour moi ». Il s'est sauvé par là. Vous êtes blessé? J'ai pris de la poussière plein les yeux. Tu l'as vu? Je ne sais pas. Il est sorti par la porte de côté et il courait vite. Et tu l'as loupé, j'ai pas pu l'ajuster correctement. Je ne sais pas si je l'ai touché. Oh, t'en fais pas. C'est ma faute si nous l'avons perdu. Il ne s'est pas encore enfui. Ou alors je ne serais pas ici. Je l'ai vu. Il est entré dans la taverne de Burdette. Et il y est encore. Comment le sais-tu? On voit les deux portes d'ici. Et il n'y en a pas d'autres. J'ai une certaine expérience des tavernes. Est-ce que tu as pu reconnaître qui c'était? Non, mais nous le saurons. Il a les bottes pleines de boue, il a sauté dans la flaque près de l'abreuvoir. Tu crois qu'on va pouvoir le poursuivre à l'intérieur? Pourquoi pas? Ce sera difficile. Il y a 8 ou 10 hommes de Burdette là-dedans. Certainement plus. Tu vas prendre la porte de derrière, je prends celle de devant. J'aimerais essayer de... Tu aimerais essayer quoi? Je suis toujours passé par la porte de derrière. On m'a jamais laissé passer par devant. Tu le crois assez fort? Je voudrais bien le savoir. Moi aussi. Eh bien, c'est d'accord. Passe par l'entrée principale. Et les Texas Rangers, un corps de policiers dépendant d'une administration strictement texane, fondée par un colonel en 1835. Des hommes volontaires pour toutes sortes de missions. Les Rangers eurent le mérite d'expérimenter une nouvelle arme, un revolver à barillet, inventé et produit, fabriqué par un nommé Colt. Et ils furent les premiers à démontrer son efficacité et M. Samuel Colt dut aux Texas Rangers une large publicité. Le Texas Rangers était vraiment un homme dévoué au service de la loi qu'il représentait. Pour une quinzaine de dollars par mois, c'était un homme capable de s'en aller pendant un mois, deux mois dans la solitude, traquer patiemment, méticuleusement la piste d'un bandit. Ils agirent quelquefois en groupe. Ils se mirent, il faut bien le dire, au service assez fréquemment des gros capitalistes du bétail. Mais les Texas Rangers, en fait, furent la plus connue de ces milices. La milice locale ou territoriale était inscrite dans la tradition américaine depuis les tout premiers temps de la colonisation. Aucun héros populaire, réel ou mythique, ne joua jamais son rôle sur une scène aussi grandiose que celle offerte par le Far West aux cowboys. À 80 km à l'ouest de Paris, là où la prairie ondule en vagues d'herbe, se trouve un petit ranch où des cowboys français passent le week-end. Ces cowboys s'appellent des westerners. Colt est chargé par le côté, et non comme le barillet ne se bascule pas. Ce sont les vrais Colts? Oui. Où est-ce que vous avez pu vous procurer des vrais Colts? Ah, non, si vous voulez, ce sont des Colts de cinéma, c'est-à-dire que le canon est en 45, la sortie du barillet est en 45, et l'entrée du barillet est en 9 mm. McPerry. Ce qui vous permet d'utiliser des cartouches à blanc en 9 mm. Alors, une des compétitions, si vous voulez, du westerner, s'appelle le fast draw, c'est-à-dire le tir rapide. Et le tir rapide se fait sur des ballons, ce qui fait qu'une arme chargée à blanc suffit à percer le ballon. Mais ça vous oblige à viser quand même et à tirer très rapidement. Alors, dans les westerns de cinéma, vous avez toujours le cow-boy avec son arme très très basse. Ce qui ne s'est jamais porté pratiquement à l'époque de l'Ouest, puisque, si vous voulez, le fait de porter une arme basse vous empêche de monter à cheval, vous empêche de vous déplacer, parce que si vous avez des armes avec des petits lacets à hauteur des genoux, c'est pas pratique. Disons que le combat de rue, si vous voulez, qu'on voit dans les westerns, n'a pratiquement jamais existé. Il y a eu des assassinats, mais des duels, on ne peut pas dire que je ne voudrais pas enlever l'auréole de l'histoire de l'Ouest, mais ça n'a pratiquement jamais existé. Alors, dans cette pièce, donc, vous avez une longue table, mais aussi, lorsqu'on entre dans cette pièce, on doit passer par des petits gens de porte qui ressemblent beaucoup à des portières de saloon. Oui, ça, c'est notre petit décor pour nous amuser. Ici, si vous voulez, c'est la grande pièce où nous recevons des clubs, puisqu'il y a des clubs de westerners. Bon, c'est ici qu'on reçoit nos amis belges, deux fois par an, qu'on reçoit nos amis quand on se retrouve et qu'on fait une petite fête, on se retrouve dans cette pièce. En plus, c'est notre pièce d'entraînement. Vous avez aussi sur le mur le drapeau du Sud pendant la guerre de Sécession. Est-ce que ça veut dire que parmi vous, il y a des sudistes ? Oui, il y en a même beaucoup. On est pratiquement tous sudistes. Parce qu'en plus d'être cowboy, vous êtes soit sudiste, soit nordiste. Disons que, si vous voulez, c'est comme ça qu'on débute dans le western. Bon, maintenant, si vous voulez, ça a beaucoup moins d'importance pour nous. Le cheval a pris le dessus. Mais au départ, tout le monde a suivi, si vous voulez, un peu l'histoire de la guerre de Sécession. Alors, à gauche, effectivement, c'est le saloon. Oui. Voilà, même si c'est écrit en toutes lettres, c'est le bar, tel qu'on le voit dans le western, avec le grand miroir derrière qu'on casse toujours dès qu'on commence à tirer un peu. Oui. Oui. Ici, si vous voulez, on évite de casser trop, parce que ça coûte trop cher. Et on n'a pas les budgets d'un film. Et en plus, on n'a pas de glace sans sucre. On risque de se faire très mal. Les mouvements, ils sont très simples. Quand vous voulez tirer très vite, il faut d'abord savoir où se trouve votre arme. Autrement dit, il suffit de se placer sur une jambe. Tout le poids doit porter sur la jambe qui porte l'arme, de façon à ce que la crosse, si vous voulez, soit dégagée. Il est évident que si vous restez bien droit, l'arme a tendance à rester dans le prolongement du corps. Et si vous vous penchez sur le côté, la crosse se dégage. Bon, ensuite, quand vous laissez tomber votre bras, avec votre avant-bras, vous touchez la crosse, ce qui fait que instinctivement vous savez où elle est. Bon, ensuite, il suffit de remonter, d'engager et de tirer. Bon, alors maintenant, vous avez deux façons de tirer. Vous avez la façon normale qui est d'armer le chien et d'appuyer sur la gâchette en visant, ce qui vous prend énormément de temps, ou de tirer en fanning. Tirer en fanning, c'est déjà au départ prendre la crosse et appuyer sur la gâchette en même temps. Ce qui fait qu'après, vous n'avez plus qu'avec votre autre main à taper sur le chien. L'armée, vous laissez partir. Voilà. Vous faites des duels au revolver ici ? On ne fait jamais de duel. On fait, si vous voulez, des compétitions en mettant des ballons. Vous avez deux ballons, deux personnages, et au top, ils ont une pierre dans la main. Ils lâchent cette pierre et ils prennent leur revolver et ils tirent. Et c'est le premier qui a eu son ballon. On peut essayer de voir ce que ça donne. Ah, on peut voir ce que ça donne. On peut même mettre quelqu'un en face. Ce sera plus drôle. C'est sûr qu'ils sont chargés à blanc. Ils sont chargés à blanc. C'est si vous voulez, on n'a pas du tout envie de se faire prendre. N'importe comment, c'est Alan qui est en face et je n'ai jamais pu le souffrir. Ça fait 10 ans qu'il est au Montana Ranch et j'ai vraiment un mal fou à le supporter. Alors, ça ne me pose pas de problème pour moi. Alors, quand tu veux. Je voulais dire qu'une des armes n'était pas chargée. Celle-ci n'était pas dans le bon sens. Les cartouches étaient après. C'est pratique pour la roulette russe, mais pas pour le western. Dans le commerce se trouvent des armes à poudre noire, qui sont des armes qui n'utilisent pas de cartouches. C'est-à-dire qu'on met dans le barillet directement la poudre et la balle. Et on met une amorce et tout doit partir. Bon, généralement, les gens qui se servent de cela prennent par exemple du papier pour bourrer papier hygiénique que l'on mâche et que l'on met dans la cartouche et que l'on serre. Seulement, le problème, c'est que du papier mouillé, tassé, qui sèche, devient pratiquement un projectile. Et si vous tirez à trois mètres, eh bien vous avez une plaie avec dedans la recherche de tous les petits bouts de papier. Plus la poudre noire qui rentre à l'intérieur de la peau et qui vous fait un tatouage très noir, évidemment, puisque la poudre est noire. C'est, si vous voulez, une forme du western. Il y a 10 ans, si vous voulez, on est venu au western. Bon, on jouait les cow-boys, on portait le revolver pour faire le fumier, pour monter sur le toit, pour tout. Puis petit à petit, on s'est aperçu que pour monter à cheval, ben, franchement, le revolver, c'est pas pratique. Fait qu'on a laissé tomber le revolver. On y retouche de temps en temps pour s'amuser. La plupart du temps, on s'intéresse plus au cheval qu'autre chose. La seule chose que je reproche un petit peu aux gens qui ont fait les numéros de cow-boy, surtout les numéros de tir, puisque c'est souvent ce qui revenait, c'est qu'ils sont tous un petit peu déséquilibrés. Dès que les gens ont la passion des armes et des choses comme ça, on les voit, ils sont un petit peu bizarres dans la vie. Résultat, les westerners sont des débiles. Bon, ici, vous avez devant vous une ceinture d'armes à double main, c'est-à-dire les deux colts. Le problème de cette ceinture est une ceinture de parade, puisque quand on a deux revolvers dans les mains, la main droite est toujours retardée par la main gauche. Autrement dit, si on veut que cette ceinture soit efficace, il faut qu'une arme soit dans un sens, dans le sens où l'on dégaine, et il faut que de l'autre côté, elle soit à l'inverse. Ce qui fait que quand on a tiré ces 6 coups ou 5 coups, si on veut garder une protection, une garantie, on doit pouvoir prendre l'autre et tirer. Ce qui donne une puissance de feu plus importante, mais un encombrement énorme. Ça, on ne voit jamais dans les westerns. Si, les doubles mains, c'est ce qu'avaient tous les gens des séries B. Hopalong Cassidy, John Wayne, quand il faisait sa série des 3 mousquetaires, etc. Aujourd'hui beaucoup plus magnifiquement qu'elle se passait autrefois. À Dodge City, on peut visiter par exemple un cimetière des bottes, le fameux Boot Hill. Pourquoi le cimetière des bottes? Parce que ces gens qui étaient abattus dans les saloons au cours de fusillade, on ne prenait pas de grandes précautions pour les ensevelir. Une simple caisse de sapin et le vêtement qu'ils portaient, les bottes qu'ils portaient, et voilà, ils étaient enterrés. dans un endroit qui servait provisoirement de cimetière. Ordinairement, c'était sur une colline. Du moins, c'est ce que les fouilles ont révélé à Dodge City. Le véritable cimetière des Bottes était sur une éminence à quelque distance de Dodge City, d'où le nom de Colline des Bottes. Être enterré avec ses bottes, c'était évidemment le dernier rêve, la dernière volonté du défunt, en général un cowboy. Aujourd'hui, loin de l'emplacement réel d'autrefois, ces cimetières des Bottes ont été reconstitués pour les besoins du tourisme. On y lit des inscriptions curieuses. Par exemple, à Tombstone. Tombstone, vous avez des croix qui ne sont même pas en bois, mais qui sont en tube de fer. Et on a planté, on a cloué, fixé sur ces tubes, sur des planchettes pour des inscriptions. Alors, comme tout est faux, n'est-ce pas ? Les inscriptions le sont aussi. Tué par les Indiens, tué par les Apaches, tué dans une bagarre au pistolet, gunfight. Ah, il y a simplement, enfin, je ne sais pas si elle existe toujours, cette stèle, une stèle qui paraît-il est d'époque, une planche au sommet arrondi qui porte le nom des Clanton et des McLaurie qui furent tués à Okekora. Et parmi ces inscriptions qui se ressemblent toutes, ici, ah, ça c'était un convoyeur qui a été tué par les Apaches. Il y a une inscription qui provoque l'hilarité des touristes, mort de mort naturelle. À Dodge City, j'ai assisté à la réunion de la chambre de commerce locale. J'étais invité, j'ai même été à cette occasion honoré du titre de marshal honoraire de Dodge City. J'ai les preuves à l'appui. Et à l'ordre du jour figurait la question suivante. Le Boot Hill, le cimetière des Bottes, est vraiment trop petit. Étant donné que durant la saison dernière, nous avons eu entre 350 000 et 400 000 visiteurs. Ça ne peut pas durer. Il faut d'abord planter un deuxième arbre des pendus. Parce qu'il y a un arbre magnifique, sec, avec trois cordes qui pendent, des anneaux. Mais vous entrez là, vous traversez un magasin de vente de souvenirs, etc. Et c'est très populaire. Alors je ne suis pas revenu à Dodge City depuis ce temps-là, je pense que depuis, ils ont rétabli les choses, ils ont accordé au Boot Hill des proportions plus intéressantes au point de vue commercial. Hors la loi, Marshall, Sheriff, encore des personnages de la galerie du western. Je dis bien du western. Bien entendu, ils appartenaient aussi à la galerie de l'Ouest. Mais quelle différence entre eux ? Parfois assez mince. Tout simplement, c'est que le marshal et le shérif, c'est un personnage qui en général a l'esprit un peu plus large, l'intelligence un peu supérieure à celle du hors-la-loi. Le hors-la-loi, c'est vraiment l'homme qui a un esprit limité, qui n'a pas du tout envie de travailler, qui est arrivé dans l'Ouest parce qu'il a derrière lui un passé de violence, il ne sait pas faire autre chose, et il pense que, grâce à la violence, grâce à son habileté professionnelle, si on peut dire, il va pouvoir tirer profit d'une situation qui offre réellement toutes les possibilités. Le malheur, c'est que ce hors-la-loi va être bientôt promu au rang de héros national. Enfin, je dis bientôt, en l'espace de quelques années. Il suffit qu'un hors-la-loi se déclare, attire l'attention des journaux, on parle de lui, il impressionne les populations, il devient vite le héros, celui avec lequel on va prendre parfois des gants. Même les shérifs et les marshals vont prendre des gants. Et pourtant, qui est-il en réalité ? Comme je le disais tout à l'heure, un homme à l'esprit assez limité, qui n'avait pas choisi de travailler. C'est un homme qui est né actif et qui ne redoute pas une journée passée à l'extérieur. Mais il existait une troisième voie, une voie assez rude et semi-légale pour empocher des dollars. On pouvait tuer les bisons. Mais seuls les Indiens n'étaient pas d'accord pour cela. Mais qui s'inquiétait des Indiens? Et le tueur? Le tueur, c'est un homme qui a souvent débuté dans une profession de chasseur, en particulier de bison, et qui va mettre son adresse, son expérience au service de ceux qui le paieront. Ainsi, on voit naître le chasseur de primes, le chasseur d'hommes. C'est un traqueur, celui-ci. C'est un chasseur qui traque le gibier humain et qui n'a aucun scrupule à l'abattre là où il peut le prendre. La prime est pour moi seul. Vous n'aurez jamais la conscience en paix. Il ne sera jamais mort pour vous. Ça m'est égal, il ne m'intéresse pas. Il n'y a que l'argent qui m'intéresse. C'est la seule chose qui m'ait jamais intéressé. Oh, il s'en était rendu compte quand il m'a dit « C'est pour ça que tu es là. Je le reconnais. Si j'étais là, ce n'était que dans ce but. » Ça ne correspond peut-être pas à l'idée que vous vous faisiez de moi, mais c'est ainsi. Alors si vous tenez à ce qu'il en soit ainsi, je vous accompagne. Je vous suivrai jusqu'au bout. Je le ramène. Je le sais. Je vous épouserai. J'irai où vous irez. Je vivrai même avec vous sur les terres que vous aurez rachetées avec l'argent de la prime. Que voulez-vous de plus? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. J'en ai fait le serment, je le ramènerai. Et je vais aller le livrer pour de l'argent. Comment se fait-il que ces gens aient bénéficié d'une telle publicité? Il faut établir des degrés entre eux, bien sûr. On a vu récemment un western intitulé The Long Riders, qui nous a montré que les James étaient des garçons bien tranquilles, en fait, et qui, s'ils se sont conduits comme la légende le dit, c'est qu'ils avaient des raisons. C'est encore une fois enfourcher le vieux dada du pauvre garçon qui tourne mal et ce n'est pas de sa faute s'il est devenu hors-la-loi, c'est que les circonstances familiales, la société, les événements de l'époque ont voulu qu'il franchisse la barrière pour retomber du mauvais côté. Il y a toute une histoire à raconter au sujet des James. Jess et Frank James. C'était des garçons qui avaient débuté dans une époque troublée, la guerre de sécession, qui était sudiste, parce qu'à ce moment-là, au Kansas et au Missouri, on était sudiste. Et qui se sont engagés dans des coups faits au nom de la Confédération, qui ont pris goût à cette violence, et qui, pendant quelques années, après la fin de la guerre, et pour eux n'était pas réellement terminée, ont continué à agir comme ils l'avaient fait, sous le couvert de la légalité, puisque c'était la guerre. Seulement, l'ennui, c'est qu'un jour, on a découvert que, outre les trains attaqués, les banques attaquées, trains et banques étant de sales institutions nordistes, ils ont tué des hommes. Oui, le bilan est quand même assez lourd. 11 hommes tués, des dizaines de milliers de dollars empochés. Et bien entendu, pendant un certain temps, ces hommes, les James, ont été au service de certains intérêts au Kansas. Ils ont été les représentants de ce vieil esprit sudiste qui était long à mourir et à abandonner ceux qui l'animaient. Et pendant longtemps, on a voulu considérer qu'ils étaient des combattants pour la cause du Sud. Mais le Sud était vaincu, la cause existait peut-être dans les nostalgies. Eux, ils ont confondu, ils ont continué jusqu'au jour où tous ceux qui la veillent les protéger ont dû les abandonner et les laisser à leur triste sort. Mais savez-vous qu'il y a encore 10 ans, un personnage est apparu dans l'Ouest et a dit « Moi, je suis Jesse James ». Et que ce personnage a trouvé encore plus étonnant que lui, c'était un personnage, un affairiste, qui a exploité le bonhomme en lui disant, et en essayant de convaincre le public, « Oui, vous savez, si vous venez visiter les cavernes à tel endroit, eh bien vous y verrez Jesse James ». Parce qu'en fait, ce n'est pas le véritable Jesse James qui a été tué en 1882. Mais non, pas du tout. Le véritable, aujourd'hui, il est centenaire et je vais vous le montrer. Ce monsieur a été condamné, je crois, par un tribunal à 10 000 $ d'amende, etc. Parce que une des descendantes de la famille de Jesse James a porté plainte comme usurpation d'identité. Billy the Kid. Il existe aujourd'hui une région du Nouveau-Mexique qui porte son nom, le pays de Billy the Kid. C'est du côté de Fort Lincoln et de Roswell, où tous les ans, à l'intention des touristes, on reconstitue le jugement de Billy the Kid, son emprisonnement, son évasion, prétexte à échange de balles à blanc, n'est-ce pas ? Et tout ceci devant des touristes émerveillés, ou amusés, plus souvent amusés qu'émerveillés, mais qui ne sont pas du tout, je crois, dupes de leur constitution. Donc voilà un personnage qui est utilisé commercialement, lui aussi, comme les James, comme les Herb et Holiday et autres gens de cette catégorie. Comment se fait-il ? Eh bien, le Kid est arrivé dans cette histoire, dans l'histoire du Nouveau-Mexique, d'une façon tout à fait normale. Ses parents s'installent ici. Bon. Avait-il tué, comme on le prétendit plus tard, son premier homme à l'âge de 15 ans ? On ne sait pas trop. A-t-il tué réellement 21 personnes alors que lui-même avait 21 ans ? On ne sait pas trop. Les chiffres varient d'une biographie à l'autre. Toujours est-il qu'il s'est révélé comme étant d'abord un garçon acceptable, qui a été violemment choqué par la violence exercée à l'encontre de son employeur, l'homme qui avait su le comprendre, un éleveur britannique qui se nommait Tunstall, qui s'était installé à quelque distance de Lincoln. Et qui sont les assassins ? Ce sont les membres d'un gang, d'une troupe qui écume la région au nom d'un nommé Murphy. Murphy, évidemment, c'est l'homme qui manipule ces gens-là. C'est un homme qui a un magasin, un hôtel à Lincoln, qui est une ville naissante, donc pignon sur rue. Un homme qui s'intéresse au commerce, qui a du succès dans ses entreprises, mais un succès douteux puisque, évidemment, il achète du bétail, mais quelquefois aussi, ses hommes le volent. On a estimé que Murphy devait commander à environ 100 à 150 hommes de main dans cette région du Lincoln County. Comme il avait des ambitions politiques, non seulement sur le plan de l'État, mais sur le plan national, il a intrigué pour trafiquer des élections et être élu au siège de sénateur du Nouveau-Mexique. Finalement, les choses ont assez mal tourné. Billy the Kid s'est trouvé inclus dans la bataille qui a opposé certains individus hostiles à la politique et aux agissements de Murphy, à Murphy et à ses hommes. Il y a eu ainsi 3 jours de bataille sanglante dans les rues de Lincoln. On se tirait dessus d'un côté de la rue à l'autre. Et le Kid a échappé aux balles, a échappé à l'incendie de la maison fortifiée dans laquelle il s'était réfugié, pour connaître une existence qui était désormais une existence vouée au meurtre et au vol, etc. Bon, donc un personnage qui a joué un rôle, un petit rôle ici, mais à son insu presque, parce que ce n'était pas un garçon intelligent, parce que c'était un peu un débile. Et on peut s'étonner que ce garçon-là ait bénéficié d'une telle publicité. Mais je crois qu'il a étonné les gens par la jeunesse, justement, par son dynamisme, par sa hardiesse. Et il faut croire qu'à cette époque-là, dans ces régions-là, la violence était telle qu'on l'acceptait, qu'elle semblait naturelle et qu'on était prêt à s'enthousiasmer pour un personnage qui montrait des qualités de courage étonnantes. Ce fut peut-être le cas pour le Kid. En tout cas, il a eu contre lui bientôt tous ceux qui se sont servis de lui pendant quelques années. Cela s'est développé dans une sorte de ces guerres féodales comme on en vit dans certains endroits de l'Ouest. Et d'un côté de la barricade, un des plus puissants, justement, de ces maîtres de l'élevage de la région, c'était le fameux John Chisholm. Chisholm qui connaissait le Kid, qui connaissait également Garrett. Et précisément, Garrett a été absolument manipulé par Chisholm et par tous les gros éleveurs de la région qui commençaient à être fatigués de l'agitation qui régnait. Pourquoi ? Parce que, précisément, cette agitation n'était guère favorable à l'installation de pionniers et de colons, et le Nouveau-Mexique avait besoin de se peupler, donc il fallait, d'une part, il fallait balayer tous les Indiens qui pouvaient être là, ça avait été fait avec les Jicarillas et les Apaches Mescaleros. Maintenant, il fallait débarrasser dans les années 80 le Nouveau-Mexique, dans cette région-là, qui était une région d'élevage, de tous les éléments troubles. Et c'est ainsi que le Kid fut tué par Garrett, Garrett au service de Chisholm et des gros éleveurs de la région. I'll sing you a true song of Billy the Kid. Sing of the desperate deeds that he did way out in New Mexico long, long ago, where man's only friend was his old 44. When Billy the Kid was a very young lad, in old Silver City he went to the bad, way out in the West, with a gun in his hand. At the age of 12 years he killed his first man. Young Mexican maidens play guitars and sing songs about Billy, their boy bandit king. How where his young manhood had reached its sad end, had a notch on his pistol for 21 men. It was on the same night when poor Billy died. He said to his friends, I am not satisfied. There are 21 men I have put bullets through. Sheriff Pat Garrett must make 22. Il y a quelqu'un qui est très intéressant comme reprise ailleurs qu'au cinéma de l'Ouest et surtout du mythe du Hurle-à-Loi, c'est le chanteur Bob Dylan. Alain Raymond. Bon, Bob Dylan qui est né dans le Middle-Ouest et qui est arrivé à New York à l'âge de 20 ans, est arrivé à New York imprégné de son univers d'homme du Middle-Ouest et en plus ayant créé lui-même sa propre légende, c'est un peu comme Buffalo Bill, de fugueur, ayant parcouru tous les États-Unis, ayant glané aux quatre coins des États-Unis sa musique. Et il arrive aux États-Unis dans les années 60, donc l'époque cruciale dont on parlait pour les westerns précisément, et pour d'ailleurs toute l'évolution du cinéma aux États-Unis, l'époque du protest song, du rock, etc. Alors ce que trimballe avec lui Bob Dylan, comme d'ailleurs c'est une tradition de la chanson américaine, enfin, au moins du folk song américain très importante, c'est la route. On the road, ça revient souvent dans ses chansons, c'est le mythe de la route, le highway, etc. Bon, ce qui est la reprise aujourd'hui, et beaucoup dans le cinéma américain aujourd'hui d'ailleurs, et dans le cinéma des années 60, du mythe du cowboy solitaire dans les plaines du Far West. C'est le mythe du cowboy solitaire, là c'est le mythe du type qui fait du stop sur les routes infinies du Middle West avec ses guitares sur l'épaule, c'est un peu la même chose. Alors, Dylan, Bob Dylan, qui est un individualiste forcené, et dont presque toutes les chansons sont des revendications de cet individualisme contre absolument tout ce qui peut l'emprisonner, aussi bien au niveau de la société, ce qui en a fait à tort d'ailleurs une espèce de prophète contre la société américaine, la société marchande, tout ça. En fait, Dylan protestait contre tout ce qui l'empêchait, lui, d'être libre et de vivre comme il l'entendait, mais c'est aussi bien vrai en ce qui concerne l'amour, le couple, enfin, dès que énormément de ses chansons qui sont contre l'emprise de l'autre sur lui, ça, c'est vraiment fondamental pour lui. Être ce que je suis, être moi-même, aller jusqu'au bout de moi-même, dans toutes les directions de moi-même, et casser tout ce qui m'en empêche. Alors évidemment, là, il rejoint le mythe du hors-la-loi, de celui qui se met en dehors de l'ordre, établi en dehors des lois, pour être fidèle à lui-même. Alors, c'est un peu une version positive du hors-la-loi, évidemment, parce que le hors-la-loi, il était en dehors des lois pour tuer, pour piller, pour avoir de l'argent. Alors, il y a une première chanson dans un de ses premiers disques qui s'appelait d'ailleurs Outlaw Blues, le blues du hors-la-loi, qui reprend tout à fait ça, qui n'est pas une chanson de western, puisque c'est un homme d'aujourd'hui, Dylan, bon, qui dit qu'il se rêve hors la loi et qui dit à un moment donné peut-être que je ressemble à Robert Ford, mais je me sens l'âme de Jesse James. Et qui est exactement la disposition d'esprit de Dylan, hors la loi de la chanson, disons. Plus tard, il a repris explicitement ce mythe du hors la loi dans un disque qui s'appelle John Wesley Harding et dont une chanson qui donne le titre à l'album, c'est John Wesley Harding, qui est l'histoire d'un justicier qui rétablit l'ordre par tous, mais qui est au service des pauvres, au service des irrités. Alors c'est très intéressant parce que dans cette chanson, il y a une identification totale de Bob Dylan lui-même à John Wesley Harding. C'est un disque, c'est un album très important, qui est un album qu'il avait fait après son accident, un accident très grave qu'il avait eu et qui l'avait un peu retiré de la scène de la chanson. Et qui est un disque qui est entièrement tourné vers des questions d'identité. Qui est-il par rapport à ses fans, par rapport à la critique, par rapport à ses producteurs, par rapport au public. Et c'est un disque qui procède un peu par négation. Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, ne m'enfermez pas dans une image, je veux rester moi-même. Et John Wesley Harding est un peu, pour lui, celui qui s'est tracé une ligne et qui ne veut pas en dévier. Et bon, qui meurt à la fin. Et Dylan voudrait être celui-là, celui qui n'a pas à rougir de ce qu'il a fait et qui ne veut pas qu'on l'enferme dans une image quelconque et qui veut rester fidèle à ce qu'il est. Alors, il va aboutir encore plus loin dans cette identification avec l'or, la loi, dans un disque qui est à la fois un film, Pat Garrett et Billy the Kid, qui est un film réalisé par Sam Peckinpah. Sam Peckinpah, qui est lui aussi un individualiste extraordinaire, dont tous les films sont des éloges de l'individualisme, ayant reconnu en Dylan un de ses frères, disons, en musique, lui avait demandé de faire la musique. Et Dylan, s'étant tellement passionné pour ce film, Peckinpah lui a demandé de jouer un rôle dans le film, un rôle qui n'existait pas, qui s'appelle Alias. Bon, le thème de l'autre, qui est évidemment très, très intéressant. Et bon, Dylan, dans ce film, est simplement le compagnon de Billy the Kid. Et les chansons de l'album sont très intéressantes. Enfin, c'est une série de variations sur le thème de Billy the Kid. Il a chanté d'ailleurs la même chanson dans plusieurs versions. Et c'est vraiment à travers le personnage de Billy the Kid, comme quelques années auparavant à travers celui de John Wesley Harding, un cri de Dylan disant « Laissez-moi tranquille, laissez-moi être qui je veux » parce que il avait changé de style, il avait changé de comportement, de façon d'être. Et il était l'objet de d'énormément de critiques. Il répondait à travers Billy the Kid, « Laissez-moi être qui je veux, je n'ai pas de conseil à recevoir, je veux continuer à être un hors-la-loi. » Ce personnage du hors-la-loi et ce personnage du solitaire est absolument fondamental chez Dylan, et ça ne m'étonne absolument pas qu'il ait joué dans ce film de Sam Peckinpah et que lui-même, ayant tourné un film dont il était l'auteur et un des acteurs, joue dans le film un rôle qui n'est pas un rôle de cow-boy, mais un rôle d'homme fuyant tout le temps, fuyant la caméra, fuyant le public, partant loin dans la route, enfin dans le Middle West, un peu comme ce cow-boy errant va vers le soleil couchant. John Wesley Harding was a friend to the poor. He traveled with a gun in every hand. All along this countryside he opened many a door. But he was never known to hurt an honest man. Time they talk about. With his lady by his side, he took a stand. And soon the situation there was all but straightened out. For he was always known to lend a helping hand. charge held against him could they prove. And there was no man around who could track or chain him down. He was never known to make a foolish move. Butch Cassidy le Kid, un titre célèbre, une musique non moins célèbre. Paul Newman, inoubliable dans ce film, un très beau western. Qui était Butch Cassidy ? Butch Cassidy était un personnage qui se fit un nom dans le gangstérisme, dans les régions septentrionales des plaines. À l'origine, en 1885, au Wyoming, une bande dirigée par un nommé Champion, qui ultérieurement s'enrichit de la recrue de trois frères Logan. L'un s'appelait Harvey, l'autre Lonnie et l'autre Johnny, qui eux avaient été formés à l'école du banditisme par un hors-la-loi célèbre, qui s'appelait Flat Nose Curry, Curry Népla. Ce dernier prit la direction de ce gang au lendemain de la mort de Champion. Il est arrivé un malheur à Champion en 1892, et Harvey Logan devint son lieutenant. Et conformément à la coutume de ce milieu, en ce temps-là, il honora son supérieur en prenant son nom pour pseudonyme, devenant ainsi Kid Curry. Alors cette bande trouve asile dans une région reculée du Wyoming, et cette région était connue sous le nom de le trou dans le mur, Hole in the Wall, situé dans une vallée à la frontière du Wyoming et de l'Utah. Et des gangs viennent rejoindre le gang de Kid Curry, et parmi ces gangs qui arrivent, celui de Butch Cassidy, de Bob Lee, de Black Jack Ketchum, qui constitue ce qu'on appela le Wild Bunch, la bande sauvage, qu'on appela aussi le gang du trou dans le mur. Alors, à partir de 1895, c'est-à-dire à la fin du siècle dernier, l'ère opérationnelle de ces bandes qui agissent soit individuellement, soit unies, contre les banques, les trains, les éleveurs de bétail, engloba le Wyoming, le Montana, le Nevada, l'Idaho, Utah et le Colorado, c'est-à-dire un certain nombre d'États et un certain nombre de kilomètres carrés. C'était des gens très bien organisés. Par exemple, Butch Cassidy et Kid Curry, qui étaient associés, fondèrent en 1896 un syndicat des voleurs de trains. Ça a l'air incroyable, mais c'est exact. Et jusqu'en 1900, ce syndicat fut très actif. Il multiplia les hold-up sur une grande échelle. Et ce qu'on appelait la bande sauvage, le Wild Bunch, mobilisa bien entendu contre lui toutes les polices officielles et privées. Et leur pression finit quand même par être dangereuse, si bien que Butch Cassidy et Curry se divisèrent en 1901. Butch Cassidy et son camarade Longabaugh, surnommé Sundance Kid, choisirent de s'exiler en Bolivie. Et c'était évidemment un pays parfait pour des gens comme eux, parce que, bien entendu, la Bolivie pouvait offrir encore un terrain utile à leur profession. Malheureusement, en 1909, les policiers furent les plus forts, et on sait, d'après le film, quelle fut leur fin tragique. Et Kid Curry, qui avait été le complice de Butch Cassidy. Ben Kid Curry poursuivit ses activités jusqu'en 1902 et il fut traqué. Il se sentit pris, il se suicida en 1903. Oh, c'était évidemment après une dernière attaque de train dans une ville qui s'appelait Parachute, au Colorado. Et c'est ainsi que s'éteignit le dernier représentant de la bande sauvage. Mais nous avons vu ça dans un très beau film de Peckinpah. La horde sauvage, avec quelques modifications bien sûr, mais nous avons vu également le film Butch Cassidy et le Kid, dont nous parlions au début. When first I came to Louisville, some pleasure there to find, a damsel there from Lexington was pleasing to my mind. Her rosy cheeks, her ruby lips, like arrows pierced my breast. And the name she bore was Flora, the lily of the west. I courted lovely Flora. Des romans à 10 cents, publiés à partir de 1865, mettaient en scène des héroïnes aussi intrépides et imaginaires que leurs partenaires masculins. Brodant sur les dangers de l'Ouest, les auteurs lançaient leurs jeunes héroïnes, habituellement toutes seules, contre les hordes indiens, des bandes hors-la-loi et des carnivores écumants de bave. Parmi celles qui couraient l'aventure dans un Ouest imaginaire, on retrouve des femmes qui ont réellement existé, comme Martha Jane Canary, immortalisée sous le nom de Calamity Jane. Calamity était une beauté, tout le portrait de son père. Elle avait comme lui des yeux ravageurs et une jolie barbe en fleurs. Calamity était au berceau quand elle a bu par mégarde un biberon de jeans, c'est ce qui explique qu'elle avait un drôle de tic. Au moment de la conquête de l'Ouest, les familles entières sont parties de l'Est et les femmes avaient un rôle de mère de famille, de soutien moral pour les hommes, etc. Une fois arrivées, soit elles allaient dans des communautés de mormons, où elles gardaient ce rôle toujours en essayant d'être toujours la très belle femme au foyer qui attend le fermier ou l'homme qui court les bois. Françoise Pasquier. Et puis l'autre image qu'on a d'elles sont des femmes qui, perturbées par toute cette richesse, par l'or, par tout ça, devenaient des femmes de saloon. C'est-à-dire des femmes qui chantaient dans les saloons. Et comme le nombre des femmes était très peu important, il y avait une espèce de course au mariage ou au plaisir. Calamity Jane est venue avec sa famille. Pendant le voyage, sa mère est morte. Elle avait des jeunes frères et sœurs dont il fallait qu'elle s'occupe. Son père avait décidé, après être fermier, de devenir pasteur. Et il pensait que traverser les territoires d'Indiens n'était pas un problème, qu'avec la Bible, personne ne l'attaquerait. Calamity Jane, très très jeune, a dû donc prendre en main à la fois un foyer, à la fois la défense de la famille pendant ce très très long voyage de 6 ou 7 mois, et a tout de suite eu une personnalité assez particulière. Elle aimait avoir des fusils, elle aimait monter à cheval, et elle s'occupait vraiment de nourrir sa famille. Une fois arrivée, son père est tombé malade, et il a fallu vraiment qu'elle gagne sa vie. On a essayé de lui donner un rôle de vraie femme, c'est-à-dire dès l'âge de 16 ans, de la déguiser avec des grandes robes, des caplines, etc. Et d'essayer d'avoir, de l'introduire dans une société très 19e siècle, avec tous les poncifs du 19e siècle. Tout de suite, elle n'a pas aimé ça, et pour gagner sa vie, elle a dû devenir plongeuse, femme de ménage, différentes travaux dans des familles déjà installées. Puis, cette vie ne lui convenant pas du tout et ayant vraiment besoin d'argent pour s'occuper de ses frères et sœurs, elle a décidé de suivre, d'avoir une vie comme les hommes, de suivre des pisteurs, de suivre des soldats qui faisaient des sorties la nuit pour trouver des espèces de desperados. Et elle a commencé à avoir cette vie-là. Les femmes la regardaient d'un sale œil parce qu'elle était habillée avec des pantalons, parce qu'elle montait très bien à cheval, pas en Amazone mais comme les hommes. Parce qu'elle avait une vie d'aventurière. Mais attention, aventurière ne veut pas dire la vie des aventurières que l'on connaît un petit peu aussi, c'est-à-dire ces femmes vraiment paumées qui allaient de ville en ville, de saloon en saloon, essayer de jouer ou de se faire entretenir par les hommes ou par les patrons de saloon et avec des vies tout à fait mouvantes. Calamity Jane a vraiment refusé toujours cette vie-là, même dans les moments où elle n'avait absolument pas d'argent. Elle préférait faire des parties de poker et gagner énormément d'argent pour envoyer à l'homme qui s'occupait de l'éducation de sa fille à l'Est. Elle a eu des moments très, très difficiles. Elle n'a jamais perdu confiance dans une espèce d'étoile. Pour moi, c'est un peu une romantique. Elle avait une foi en une vie tout à fait différente, mal acceptée dans les villes qu'elle traversait. Elle avait beaucoup de problèmes on a voulu la convertir à des religions, on a voulu en faire une femme respectable. Elle dérangeait, à vrai dire, elle dérangeait. Raindrops keep falling on my head. And just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops